Bonjour et bienvenue dans le magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Que se passe-t-il dans notre tête et dans notre corps quand nous tombons amoureux? À quel point nos désirs et nos sentiments sont-ils guidés par nos hormones? Comment se nouent les liens d'attachement au sein d'un couple, d'une famille ou d'un groupe d'amis? Nous allons parler d'amour entre chimie et alchimie dans un instant. Dans l'actu scientifique de la semaine, un gros astéroïde qui pourrait accéder au statut de planète naine et un forum mondial pour une intelligence artificielle responsable. Nous en parlerons avec Sophie Bécherel et Philippe Hénarejos. En deuxième heure, nous partirons admirer les peintures et les gravures préhistoriques des plus belles grottes ornées de France en compagnie du préhistorien Jean-Michel Geneste. Et en fin d'émission, Marion Montaigne passera nous voir à l'occasion de la parution du 5e tome de sa désormais célèbre bande dessinée « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ». Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par David Leprince et préparée par Rebecca de Nantes. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Tu sais, un jour, j'ai vomi parce que... J'avais vomi à l'école parce que j'étais amoureux. J'ai vomi tellement, je la trouvais belle. Ça s'appelait Talia. J'ai un peu mal au cœur. Mon cœur s'arrête à battre un peu. Il bat lentement. Donc quand je suis amoureux, et ben mon cœur tombe. Est-ce que c'est une maladie, l'amour? Mais non, c'est pas une maladie. L'amour, c'est quand on veut s'embrasser. C'est parce que on dirait qu'on est malade, mais en fait on n'est pas malade. J'ai eu la varicelle, la diarrhée, et ça fait plus mal que l'amour. Nicolas, au micro de Caroline Cartier en 2006. Il doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Alors je ne sais pas s'il parle toujours aussi bien de l'amour. Nous allons en parler d'amour, nous aussi, cet après-midi avec nos invités Astrid Aron et Marcel Hibert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marcel Hibert, vous êtes pharmacologue et chimiste à l'université de Strasbourg dans le laboratoire d'innovation thérapeutique et vous êtes l'un des conseillers scientifiques de l'exposition de l'amour qui vient d'ouvrir ses portes au Palais de la Découverte à Paris et dont vous êtes commissaire, Astrid Aron. D'ailleurs, le petit Nicolas que l'on vient d'entendre, on peut aussi l'entendre dans votre exposition, mais il raconte d'autres histoires. Oui, il raconte ce que beaucoup d'adultes n'osent peut-être pas dire, cette injustice de ne pas être choisi, de ne pas être trouvé beau, et malgré tous les efforts qu'on peut faire et toutes les preuves d'amour qu'on peut donner. Et que pensez-vous, Marcel Hibert, de sa description des symptômes de l'amour? Alors ça le fait vomir, je ne sais pas si c'est courant ça par contre. Je pense qu'il pourrait finir pharmacologue ou physiologiste, parce qu'apparemment il y a une description extrêmement précise de tous les symptômes, ouais, sur tous les organes, donc c'est tout à fait remarquable, un scientifique en puissance. Ouais, en tout cas, si le petit Nicolas, qui doit être grand, maintenant nous écoute, il peut nous donner de ses nouvelles sur la page Facebook du Vent dans les synapses. Alors Astrid Aron, avec cette exposition, vous vouliez aborder le thème de l'amour sous des angles très divers. Vous vouliez embrasser large, si j'ose dire. Oui, exactement. On ne se contente pas de parler de cet amour dont il est question dans le chagrin d'amour. On traite de toutes les formes d'attachement entre êtres humains. On s'est quand même limité aux êtres humains. Oui. Hein. Et pour ça, on utilise le curseur des quatre mots grecs, parce que les Grecs ont beaucoup plus de subtilité que la langue française. Hein. Nous, on qualifie d'aimer quand on parle de son amoureux, son enfant ou le chocolat. Et là, ça nous permettait d'aller investiguer, bien sûr, la relation amoureuse, romantique, mais aussi les relations parents-enfants, les relations d'amitié, le lien social et même les relations qu'on a avec autrui, quand bien même on ne le connaît pas. Alors vous avez fait appel à des sociologues, à des philosophes, des neurologues, des sexologues et un chimiste pharmacologue, Marcel Hibert. Comment votre laboratoire, alors vous intéressez entre autres à l'amour et à la chimie de l'amour depuis une vingtaine d'années dans votre laboratoire, comment cette idée vous est venue ? Et à l'université, a priori, on a la liberté de définir ses axes de recherche. Donc, dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur toute une série de maladies plus ou moins horribles. Et donc, revenu à l'université, j'ai réalisé que j'avais cette liberté de travailler sur les thématiques de mon choix. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette question des mécanismes de l'amour m'est venue en tête. On se pose des questions sur les mécanismes du vivant. Et donc, l'amour est une composante importante de la vie. Donc, on s'est posé cette question. Voilà. Quels sont les mécanismes biologiques qui peuvent agir derrière ces phénomènes d'amour? Et comment on se lance dans un tel sujet? Parce que c'est vaste, hein, quand on décide d'étudier chimiquement l'amour. Alors typiquement, les scientifiques ont accès à des bases de données dans lesquelles sont toutes les publications, toutes les connaissances. Et effectivement, dans les années 2000, il n'y avait strictement rien sur l'amour, du point de vue scientifique en tout cas. Ça avait été très peu étudié, ça paraît presque étonnant de se dire très, que... Très peu étudié, et à l'époque on ne savait pas par quel bout aborder cette question-là. Et donc on s'est tourné à ce moment-là effectivement vers les philosophes, les sociologues et autres qui nous ont permis d'aborder cette classification dont parlait Astrid, c'est-à-dire Eros, Philia et Agapé. Eros, c'est l'amour-passion, c'est l'amour qui nous vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de passion amoureuse. Philia, c'est autre chose, c'est de l'amitié, c'est un attachement entre individus ou parfois d'ailleurs à des objets. Et puis Agapé, c'était l'amour universel de son prochain. Donc voilà en gros les trois grandes catégories est venu s'ajouter, donc ou existait déjà avant que je m'y intéresse, Storgé, l'amour familial, l'amour au sein de la famille, l'amour filial, etc. C'est intéressant parce que les scientifiques finalement nous racontent à quel point il n'y a pas de frontière totalement imperméable entre ces différentes notions. C'est ça, vous allez vous rendre compte avec ces études que finalement chimiquement il y a des liens entre ces différentes formes d'amour. Mais n'allons pas trop vite. Alors, Marcel Hibert, il y a une première expérience qui vous met sur une piste. Une expérience menée par un chercheur aux États-Unis sur des rats. Effectivement, dans les années 1999-2000, ce laboratoire donc, de Thomas Insel et de Sue Carter, donc, c'est des gens qui, en observant le comportement animal, ont observé qu'une petite espèce de campagnole qui vit aux États-Unis peut avoir des comportements extrêmement différents selon qu'ils vivent dans la plaine ou qu'ils vivent dans la montagne ou qu'ils vivent dans un milieu favorable ou dans un milieu hostile. Donc ceux qui vivent dans un milieu tout à fait favorable forment des couples fidèles, tout à fait stables et s'occupent de manière presque excessive de leur progéniture. Et par contre, effectivement, les mêmes animaux, les mêmes espèces qui vivent dans la montagne, c'est l'inverse. C'est-à-dire, à chaque rencontre mâle-femelle, il y a accouplement et aucune stabilité dans le couple. Et puis, les deux s'occupent vraiment à minima de leur progéniture, c'est-à-dire 2-3 semaines. Il s'agit pourtant de la même espèce de rat. Strictement la même espèce. Et un comportement totalement différent. Voilà. Alors, pourquoi ? Alors pourquoi ? Bien justement, des pharmacologues ont été capturés ces animaux, les ont amenés au laboratoire, ont confirmé les comportements. Et puis, ce que fait tout bon scientifique dans ces cas-là, il essaie de trouver la différence entre les deux groupes d'animaux. Et en ayant dosé tout ce qui pouvait être dosé à ce moment-là, dans le sang, dans les urines, etc., eh bien, on a identifié une molécule, deux molécules pour être précis, l'oxytocine et la vasopressine, qui étaient présentes en grande quantité chez ceux de la plaine et au contraire en quantité très faible chez ceux de la montagne. Donc c'est une hormone, l'oxytocine et la vasopressine également, deux hormones cousines germaines fabriquées dans le cerveau, relarguées dans le cerveau et relarguées après dans tout l'organisme. Et nous, humains, nous les possédons aussi, absolument, ces hormones ? Et même mieux que ça, c'est-à-dire toute espèce à reproduction sexuée possède ces hormones. Et donc à travers l'évolution, depuis la nuit des temps, on est remonté à peu près à 700 millions d'années. Il y a 700 millions d'années, il y avait déjà cette hormone dans les espèces les plus primitives, comme l'hydre par exemple, ou des vers ou autres. Bien, toutes ces espèces animales possèdent un système qui est régulé par ces deux hormones. Et on sait, chez nous, sur quel comportement elle agit ? Alors c'est connu depuis assez longtemps, en fait, depuis les années 60, la vasopressine était connue pour contrôler l'équilibre hydrique, c'est-à-dire la soif ou au contraire le besoin d'éliminer de l'eau. Ça, c'est le rôle principal de la vasopressine. Et l'ocytocine est également très très connue puisque c'était l'hormone qui est sécrétée par les femmes au moment de l'accouchement et qui va provoquer les contractions du col de l'utérus. C'est aussi ça qu'on injecte aux femmes pour provoquer les accouchements. Donc ça, c'était absolument connu depuis de nombreuses années. Et la découverte des années 2000, c'est que ces deux molécules ont aussi une fonction sur toute une série d'autres fonctions liées à l'attachement. Donc, l'ocytocine a un rôle dans la façon dont on s'attache, par exemple, entre la mère et son enfant. Alors, c'est là-dessus qu'il faut toujours être extrêmement prudent, c'est-à-dire sur la base de quelques publications rigoureuses d'un point de vue scientifique, mais qui devront toujours être confirmées dans le futur. Mais effectivement, il semble que les taux d'oxytocine chez la mère pendant la grossesse semblent avoir un certain degré de corrélation avec le comportement maternel après la naissance. On a observé également chez l'être humain que les taux d'oxytocine ou certains gènes associés à l'oxytocine peuvent en fait... donner des indications sur la stabilité dans le couple. Alors là, faut être prudent. Vous êtes quand même pas en train de nous dire qu'il y a un gène de la fidélité, un gène de l'infidélité, qu'on est déterminé génétiquement pour être plus ou moins fidèle. Non, il faut effectivement être terriblement prudent. C'est-à-dire que les premiers résultats suggèrent, vous voyez, je suis prudent, qu'il y aurait une prédisposition génétique à avoir un comportement stable dans un couple et à avoir un comportement maternel plus ou moins développé. Alors, il faut être extrêmement prudent, parce qu'effectivement, les gènes sont loin de contrôler tout ça. Les gènes donnent un certain degré de prédisposition, mais d'ailleurs ça passe l'environnement, l'histoire, la culture, l'éducation, qui viennent heureusement chez l'être humain complètement, pas effacés, mais en tout cas remettre à leur place la composante génétique. Et l'ocytocine est aussi impliquée dans la confiance. Et là, on a fait des études très précises. Comment on s'y est pris pour voir chez l'humain, alors on n'est plus chez le rat, on est chez l'humain, pour voir que l'ocytocine pouvait mettre en confiance? Là, c'est des sociologues qui s'amusent beaucoup avec cette molécule. Cette molécule est disponible sous forme de spray nasal. Ah oui, pour l'administrer. Voilà, c'est la seule manière d'en envoyer un petit peu dans le cerveau. Sans ça, par voie orale ou autre, ça ne passerait pas dans le sang, ça ne passerait pas dans le cerveau. Donc, ça existait déjà en tant que médicament pour favoriser l'éjection du lait chez certaines mères. Donc, c'est un médicament classique qui existe depuis de nombreuses années. Et donc, du coup, les sociologues peuvent administrer cette molécule-là sous forme de spray nasal pour faire des expériences de sociologie. Donc là, en l'occurrence, pour répondre à votre question sur la confiance, c'est une publication de 2005 dans Nature qui montre que lors d'un jeu de rôle, certaines personnes jouent le rôle de banquier, d'autres venant essayer de lui emprunter de l'argent. Eh bien, il y a une différence tout à fait significative entre placebo et puis l'ocytocine qui vient induire de la confiance qui va faire que le banquier va plus généreusement prêter de l'argent à ses solliciteurs. S'il sniffe de l'ocytocine, il prête plus facilement de l'argent, le banquier, en tout cas la personne qui interprète le banquier dans ce jeu de rôle mis en scène par les sociologues. Exactement, et donc ce n'est pas simplement incroyable, une prise de risque. Ça donne presque envie d'avoir sa petite fiole d'ocytocine quand on va voir son banquier. Bah écoutez, oui, il faudrait juste qu'ils soient enrhumés, que vous arriviez à lui faire sniffer la molécule, mais parce que c'est que comme ça que ça marchera. Ça crée de l'empathie, en fait, entre l'emprunteur et la personne qui va accorder l'argent. Ça stimule cette empathie. Et on a pu vérifier ça grâce à des contrôles, en faisant par exemple jouer le banquier contre un robot qui aurait la même probabilité de retourner l'argent. Et là, la molécule ne change rien. Donc c'est vraiment la relation d'être humain à être humain qui est modulée par l'administration de cette molécule-là. Donc on le voit, hein, l'ocytocine impliquée dans les relations mère-enfant, dans les relations sociales, dans le lien de confiance. Plus généralement, vous en êtes arrivé à la conclusion que cette hormone joue un rôle pour nous donner du plaisir qui va impliquer la survie de l'espèce, si je le dis très schématiquement. Alors en fait, souvent, la plupart des hormones connues ont 2, 3, 4 fonctions. Et celle-ci, ce qui nous a étonnés, c'est qu'au cours des 10 dernières années, des 15 dernières années, il y a une multitude de fonctions extraordinairement diverses qui ont été associées à cette molécule, que cette molécule vient moduler. Et lorsqu'on a essayé de comprendre quel pouvait être le lien entre toutes ces fonctions, il est apparu quelque chose d'assez intéressant. Il semble que cette molécule, en fait, de manière schématique, vienne associer du plaisir à toute une série de fonctions. Et le point commun à toutes ces fonctions, c'est qu'elles sont nécessaires à la survie d'une espèce. Par exemple, chez le mammifère, elle va être impliquée dans la lactation, dans l'accouchement, dans la relation mère-enfant, père-enfant. Après, dans la pulsion pour reformer un couple, elle va mettre du plaisir dans les relations sexuelles. L'orgasme, l'érection, elle est impliquée. Alors, c'est pas le seul facteur. Hein. C'est un facteur parmi d'autres, mais c'est un modulateur tout à fait important de ces fonctions. Ouais. Effectivement, l'ocytocine n'est pas la seule hormone à intervenir dans les jeux de l'amour. Il faut savoir que lors d'une situation positive, comme par exemple l'envie de séduire, un neurotransmetteur appelé dopamine est libéré dans différentes zones de notre cerveau. La dopamine, associée à la motivation et à la récompense, active les circuits de neurones anticipant dans le cerveau l'idée du plaisir comme le plaisir sexuel. Mais la dopamine toute seule ne suffit pas à expliquer le désir, il faut être deux. Un autre neurotransmetteur est essentiel, c'est la sérotonine. La sérotonine, elle, aurait plutôt tendance à contrer les effets de la dopamine. Oh! Les effets conjugués de la dopamine et de la sérotonine créeraient donc une sorte de contradiction dans le cerveau qui provoquerait le désir. Un extrait de Futur Mag sur Arte. On l'entend, Marcel Hibert, d'autres hormones peut-être plus spécifiques interviennent également et de façon assez subtile dans nos relations et notamment nos relations amoureuses. Oui, bien sûr, il serait absolument stupide de vouloir réduire l'amour à une molécule ou tout comportement d'ailleurs à une seule molécule. Tout phénomène est extraordinairement complexe avec une contribution des gènes, d'une multitude d'hormones, de neurotransmetteurs. Donc attention au réductionnisme ouais. en la matière. D'ailleurs, Astrid Aron, dans l'exposition, on peut s'amuser hein, avec un grand écran à doser différents types d'hormones. Alors on a la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, la testostérone, les œstrogènes. Et on se rend compte qu'à chaque fois, à un comportement donné, il faut mettre des petites gouttes de plusieurs de ces hormones parce qu'ils sont impliqués à différents niveaux dans différents comportements. Oui, c'est ça. En fait, c'est un cocktail d'hormones, en fait. C'est un cocktail et pour chaque situation, plusieurs hormones ou neurotransmetteurs ou les deux, hein, plusieurs molécules interviennent. Et inversement, chaque molécule va avoir une fonction sur plusieurs situations et donc tout est entremêlé. Dans le cerveau également, c'est assez complexe. Dans une relation amoureuse, différentes régions du cerveau vont intervenir à différents moments, selon le moment de la relation et puis aussi selon le type de relation que l'on a. Oui, exactement. Alors on a travaillé avec le Centre interfacultaire en sciences affectives de Genève et ils ont été très très véhéments sur la question, c'est-à-dire qu'il faut vraiment raconter qu'il n'y a pas une zone dédiée à l'amour, ça c'est certain, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir l'insula qui va être effectivement impliquée dans le désir sexuel et dans le sentiment amoureux, mais également dans l'amour maternel et dans tout un tas d'autres émotions. Et puis on a des zones qui vont plutôt s'activer, d'autres qui vont se désactiver. Et c'est bénéfique, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple, en baissant leur activité, réduire un peu l'anxiété ou même le sens critique. Et ça nous renvoie à la première partie de l'exposition où on dresse un panorama avec tout un tas de références littéraires. Tyndall qui nous parle de la cristallisation par exemple. Alors c'est quoi la cristallisation chez Stendhal ? Alors la cristallisation, il utilise une métaphore. Marcel Hibert qui est chimiste, ça doit lui parler. Ce sont tous ces ions, chlorure et sodium qui viennent cristalliser pour former des petits cristaux sur une branche. Et il établit ce lien avec ce qui se passe quand on est amoureux et que toutes les informations sur l'être aimé qui sont à notre disposition sont valorisées, vont participer à alimenter cet amour. Mmh. Hein, et on peut vraiment penser que effectivement peut-être une baisse de sens critique, qu'une petite montée d'ocytocine pourrait y contribuer. Oui. On va peut-être rentrer dans des schémas un peu simplistes, mais cette idée que l'amour rend aveugle, ça peut s'expliquer de façon hormonale. Peut-être qu'effectivement, on a des décharges de certaines hormones qui font qu'on est plus enthousiaste, on a plus confiance, comme on le voyait tout à l'heure dans les expériences qui ont été menées. Alors, si on veut être très très provocateur, tout est moléculaire, tout est chimique en fait. Nous sommes faits de molécules et donc tout ce qui se passe en nous est la conséquence d'interactions moléculaires. Ouais. Vous dites même souvent qu'on nous sommes de gros tas de molécules. Voilà, nous sommes tous des gros tas de molécules, ouais. Ouais, c'est bien pour secouer un peu les esprits, notamment les psychanalystes, ils n'aiment pas beaucoup. Ouais. Donc oui, la réponse est oui, c'est-à-dire que toute réaction, tout comportement est la conséquence d'interactions moléculaires, mais extraordinairement complexes. Ouais. Donc tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est à identifier quelques-unes des molécules qui participent à ces réactions complexes et qui peuvent jouer un rôle majeur d'ailleurs dans ces réactions complexes. Mais ça veut dire que biochimiquement, on peut expliquer le fait que, oui, l'amour rend aveugle au moins un temps dans les premiers temps de la relation. Oui, effectivement, on voit que certaines zones du cerveau qui sont responsables notamment de cette lucidité, de cette vigilance, eh bien se désactivent lorsque on tombe amoureux, lorsqu'on rentre dans ce processus. Ouais. Comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand nous tombons amoureux pourrait-il permettre de développer un filtre d'amour ? Jusqu'à quel point nos sentiments sont-ils chimiquement manipulables ? Nous allons en discuter avec nos invités Astrid Aron et Marcel Hibert dans un instant. Très bel après-midi à l'écoute du Vent dans les Synapses sur France Inter. Observez ces baigneurs. Leurs regards se croisent. Des attirances naissent. Des couples se forment. Leurs cœurs battent la chamade. Leur respiration s'accélère. Leur peau transpire. Leurs pupilles se dilatent. Leur bouche s'assèche. Leur voix change. Ce sont les mêmes signes en apparence que le stress. Et pourtant, c'est le coup de foudre. Et l'amour, ça ne dure pas 3 ans. Ça ne dure pas 1 heure, ça ne dure pas 1 mois, 3 secondes. Parce que pour durer, il faudrait qu'il existe. Yeah. get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. C'était Sexual Healing, Marvin Gaye. France Inter. L'amour. Oui, l'amour, évidemment. Du vent dans les synapses. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Daniel Fievé. Belle Iseulte, buvez ce breuvage. Iseulte boit une gorgée et tend le hanap à Tristan, qui l'épuise à son tour d'un trait. Tout aussitôt, il regarde Iseult d'un air égaré. Et l'émoi et la frayeur se peignent sur la figure d'Iseult. Qu'ont-il fait, hélas? Ce n'est pas le vin de dépense qu'ils ont bu, ce n'est cervoise ni goudal, mais le boire enchanté que la reine d'Irlande a brassé pour les noces du roi Marc. Tristan, hélas, hélas, Iseult. Vous avez bu votre destruction et votre mort. Cependant, le poison d'amour se répandait dans les veines du valet et de la pucelle. Hier, ennemis, les voici aujourd'hui dru et dru. Que s'est-il passé ? Dit Iseult. Je vous haïssais il y a une heure, et voici qu'il me semble que je ne pourrai jamais me séparer de vous. Tristan et Iseult, lu par Guillaume Gallienne, que vous retrouverez tout à l'heure à 18h dans Ça peut pas faire de mal. Marcel Hibert, vous, le pharmacologue qui travaillait sur la chimie de l'amour, ce filtre d'amour si tragique chez Tristan et Iseult, serait-il envisageable un jour, maintenant qu'on comprend de mieux en mieux les hormones impliquées? On soupçonne l'oxytocine de pouvoir jouer ce rôle, puisque une des fonctions de cette molécule est de générer de l'empathie. Alors, il faut être prudent effectivement sur quelle phase de l'amour on observe, mais dans l'empathie, dans la durée, clairement, l'oxytocine est là pour sceller cette amitié, cette relation, cette empathie. Mais il faut bien qu'il y ait un début de quelque chose, parce que si on administre à quelqu'un de l'oxytocine, ça ne dirige pas son intérêt vers une personne en particulier. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut diriger cet attachement? Je n'en sais rien, ça n'a pas été étudié, donc ce serait quelque chose qui serait encore à regarder. Alors, vos recherches sur cette question, Marcel Hibert, vous ont-elles posé des questions éthiques? Justement, quand vous avez décidé de vous intéresser à la chimie de l'amour, vous l'avez dit, c'était un thème très peu étudié quand vous avez commencé à travailler là-dessus dans les années 2000. Est-ce que vous vous êtes dit, si on trouve des choses vraiment précises, ça pourrait avoir des conséquences éthiques importantes? Bien entendu, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et donc, non, mais ça peut être un succès dans, voilà, non, mais avec des conséquences. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, pendant pas mal d'années, d'ailleurs, c'est un projet qu'on a réellement, concrètement, commencé qu'après 4-5 ans de réflexion. Ouais. Parce qu'on avait ces questions-là. Si on invente le Soma de Orwell, si on invente le filtre de Tristan Isolde... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça peut être une arme de destruction, de construction massive, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut permettre de manipuler des individus et des foules. Donc, voilà. Donc c'est une question extrêmement, extrêmement délicate. Alors, ceci dit, il semble difficile d'arrêter la quête du savoir. Donc, toutes les consultations, toutes les discussions qu'on a pu avoir autour de ces problèmes d'éthique se sont toujours terminées par « continuons ». Ce qui est important, c'est de savoir ce que les hommes feront de cette découverte plutôt que la découverte elle-même. Alors, c'est peut-être un petit peu lâche comme raisonnement. Et puis, en fait, le projet a pris un virage tout autre. À partir du moment où on s'est rendu compte que cette oxytocine était aussi importante pour l'autisme. Et en fait, ce projet purement de recherche fondamentale sur ces mécanismes de l'amour est devenu un projet aujourd'hui médicament, traitement potentiel contre l'autisme. Alors donc, là, il faut que vous nous expliquiez. Alors en fait, l'observation a été faite par nos collègues américains, de nouveau, et en observant que si on bloquait tout le système contrôlé par l'oxytocine chez le rat nouveau-né, eh bien en fait, ce rat avait un comportement tout à fait particulier. Il n'allait pas du tout interagir avec son groupe social, avec sa famille et son groupe social. Il restait complètement en marge. Et donc, ce comportement a fait penser finalement à des comportements similaires, en étant très très caricatural, chez l'être humain. Donc, on est allé voir du coup du côté des autistes. Et effectivement, en allant mesurer les taux d'oxytocine chez les autistes, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait des écarts par rapport, entre guillemets, à la moyenne. On ne peut pas dire à la normale, parce qu'un autiste n'est pas normal. Mais en tout cas, des écarts par rapport à la moyenne. Et les premières expériences qui ont consisté à faire sniffer, donc à administrer par voie intranasale de l'oxytocine à des autistes, ont montré soudain une amélioration de leur interaction sociale. Donc ça a assez rapidement validé l'hypothèse que l'oxytocine pouvait jouer un rôle clé dans la capacité des autistes à décrypter les émotions chez les gens qui les entourent. Mais ça a été testé donc chez des humains, pas uniquement sur chez des modèles humains, animaux. Chez les humains, et aujourd'hui, on en est où de l'approche thérapeutique, de se dire qu'on peut aider les personnes qui souffrent de troubles autistiques? Alors, ces premières observations ont été confirmées par de très nombreux groupes, c'est-à-dire qu'effectivement, l'administration d'oxytocine ou de vasopressine va réellement moduler les interactions sociales chez les autistes. Après, ça soulève plein de questions. Ça, c'est sur des traitements relativement ponctuels. Qu'en est-il si on administre de manière chronique, c'est-à-dire dans la durée, cette molécule? Est-ce que l'effet va perdurer? Quels vont être les effets indésirables associés à cette administration d'oxytocine? Voilà, toutes ces questions sont en train d'être étudiées. Et une des difficultés pour étudier ces questions, c'est que l'oxytocine elle-même, lorsqu'elle est fabriquée par le cerveau, libérée dans l'organisme, elle exerce son action. Mais lorsque des chercheurs veulent administrer l'oxytocine à des êtres vivants, eh bien cette molécule ne passe pas le cerveau. Elle n'est même pas capable de passer dans le sang lorsqu'on la donne par voie orale. Et en plus, elle est très très instable dans l'organisme. Elle a une durée de vie de quelques minutes. Elle est immédiatement métabolisée, dégradée par le foie. Du coup, c'était le challenge pour les chimistes. C'est-à-dire, le challenge était d'imaginer une petite molécule qu'elle est capable d'être donnée par voie orale, qu'elle est capable de passer dans le sang, capable de passer dans le cerveau, et qui allait pouvoir mimer l'oxytocine, c'est-à-dire se fixer exactement sur les mêmes cibles dans l'organisme, ce qu'on appelle un agoniste de l'oxytocine. Ouais. Vous avez trouvé alors cette molécule plus petite, mais qui mime parfaitement l'oxytocine. Donc après 15 ans d'efforts et d'échecs, on a finalement réussi à trouver une molécule qui fonctionne. Donc c'est une publication récente, c'est une molécule qui va se fixer sur la cible de l'oxytocine elle-même, et qui était capable, dans des modèles animaux d'autisme, de rétablir l'interaction sociale chez des animaux qui avaient perdu cette capacité à interagir. Alors, les troubles du spectre autistique, on le dit souvent, c'est large, il y a différentes formes d'autisme, pour le dire simplement. Est-ce que cette molécule agit sur toutes les formes d'autisme de la même façon, pour pas donner non plus trop d'espoir à ceux qui nous écoutent? Faut qu'on reste très prudent quand on aborde ce genre de sujet. Extraordinairement prudent. Alors, chez l'animal, en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire que on a réussi à voir, enfin quand je dis on, c'est des collègues pharmacologues, ont réussi à mettre au point 3-4 modèles d'autisme chez l'animal, mais ça ne reste que des modèles évidemment, donc ça ne reproduit en aucun cas exactement l'autisme chez l'être humain. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle les symptômes primaires et les symptômes secondaires donc de cet autisme, et cette molécule et l'oxytocine ont l'air d'avoir un effet positif sur l'ensemble de ces symptômes. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant et prometteur. Maintenant effectivement, il y a énormément de recherches encore à conduire, et utiliser la molécule que nous venons de publier, métier, ce sera un outil de recherche avant tout. Ouais. Et il y a encore un chemin extrêmement long avant de pouvoir prétendre à un médicament. Ouais. Ce qui reste une belle histoire dans ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a 20 ans, vous commencez avec un sujet de recherche fondamental, presque un petit peu anecdotique. On va travailler sur l'amour et la chimie de l'amour. Et on se retrouve 20 ans après avec un espoir d'un traitement assez nouveau pour l'autisme. Voilà, ça reste qu'un espoir. Il va falloir valider tout ça dans des modèles de plus en plus sophistiqués. Et après, il y a l'évolution de tout candidat clinique. Il va falloir démontrer que la molécule n'est pas toxique et qu'elle est tout à fait tolérable, administrable à l'homme. Donc pour ne pas donner trop d'espoir, c'est au moins 10 ans de travail si tout se passe bien. Mais en tout cas, une nouvelle piste est ouverte avec une preuve de concept chez l'animal que cette approche est pertinente. Et en tout cas, on retiendra aussi de vos travaux que l'amour ne se limite pas à l'ocytocine. C'est une hormone qui est impliquée dans l'attachement, on peut le dire comme ça. Mais l'amour n'est pas synonyme d'une molécule. Absolument pas. Donc, il faut surtout pas faire dire aux scientifiques ce qu'ils ne disent pas. Donc, ce que l'on dit, c'est que cette molécule vient moduler clairement un certain nombre de comportements d'attachement. Mais bien sûr, l'amour et ses comportements sont d'origine extrêmement complexe, génétique, histoire, environnement, etc. Et, oui. etc. et l'histoire, l'environnement, la sociologie sont abordés à Astrid Aron dans l'exposition De l'amour qui vient d'ouvrir ses portes au Palais de la Découverte à Paris, notamment en... Du point de vue historique, on se rend compte que l'amour romantique est une invention assez récente, finalement. Oui, alors c'est vrai qu'on s'y réfère beaucoup hein, à l'heure actuelle. Comme une norme. Comme s'il avait toujours existé, mais il est essentiellement né au 19e siècle, alors qu'auparavant, on se mariait, le mariage était une affaire de famille, l'ensemble de la famille y contribuait, et l'amour devait découler après de ces liens du mariage. Au 19e siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de l'industrialisation, de l'exode rural, et donc les individus ont pris beaucoup plus d'autonomie, se sont séparés des familles et ont pu inventer un nouveau modèle, choisir l'heureux élu. Et donc est né ce modèle qui a encore beaucoup de force aujourd'hui. Alors on peut penser qu'en se séparant, on le remet en cause, mais on pourrait au contraire se dire que c'est cette très grande pression qu'on a à réussir sa vie amoureuse qui nous enjoint aussi à réessayer quand on pense que ça ne va pas. Ouais, alors les codes sociaux changent. Aujourd'hui, par exemple, les rencontres se font en ligne, parfois en tout cas. Est-ce que ça change notre façon d'aimer ? Réponse de la sociologue Marie Bergström. Les applications et les sites de rencontres sur Internet aujourd'hui sont souvent accusés d'avoir tué l'amour. C'est intéressant parce que c'est une critique finalement qui est plus ancienne, qu'on retrouve exprimée contre les toutes premières annonces et agences matrimoniales qui de fait apparaissent au 19e siècle. C'est-à-dire que ce sont des services qui sont accusés d'avoir introduit des logiques économiques dans la rencontre, d'avoir rationalisé l'expérience amoureuse et finalement avoir tué les imaginaires amoureux du hasard et de l'amour aveugle. Les sites et les applications aujourd'hui sont à la fois un produit des systèmes matrimoniaux et de l'amour romantique tels qu'ils apparaissent au 19e siècle, parce que c'est une liberté des jeunes de choisir leur conjoint, et en même temps ils entrent en contradiction avec les imaginaires amoureux qui veulent que l'amour soit un amour aveugle et que la rencontre se fait au hasard. Et on est aujourd'hui toujours dans ce modèle culturel-là, c'est-à-dire un couple formé sur l'amour, formé sur l'exclusivité et formé par un idéal d'engagement durable. Et ce modèle-là, il est aujourd'hui mis en cause par des séparations, par des nouvelles manières de vivre en couple, de vivre des relations sexuelles, mais ça reste un idéal très fort. La sociologue Marie Bergström, c'est un extrait d'une vidéo diffusée dans l'exposition De l'amour au Palais de la Découverte. On apprend plein de choses sur ce qu'ont changé ou pas ces nouvelles façons de se rencontrer par le numérique, par Internet. Astrid Aron, notamment, on apprend que le lieu de rencontre privilégié reste dans la vraie vie, finalement. Oui, dans la vie physique. Alors, c'est vrai qu'on a entendu Marie Bergström de l'Institut National d'Études Démographiques qui nous a beaucoup aidé et qui nous a notamment donné des statistiques qu'on a représentées sous forme de maquettes. Et là, vous faites référence aux lieux dans lesquels on se rencontre. Oui. Vous avez raison, les rencontres numériques arrivent en 5e position. Donc, on se rencontre dans la vie physique, enfin majoritairement. Il y a à la marge quand même des petites choses que vont changer ces liens numériques, ces nouveaux liens. Par exemple, mais on s'en doute un petit peu, mais par exemple, le premier rapport sexuel vient plus tôt quand on s'est rencontré par Internet que quand on s'est rencontré sur son lieu de travail. Voilà. C'est plutôt en moyenne 6 mois sur le lieu de travail, si ma mémoire est bonne, alors qu'on est de l'ordre d'une ou deux semaines pour... Voire moins pour Internet. Effectivement, et le propos de Marie Bergschom, c'est de dire que ce que change radicalement la rencontre numérique, c'est qu'elle se fait à l'abri des regards, de façon privée. Ouais. Et donc là, sans le jugement de l'entourage... On est peut-être beaucoup plus libre de faire ces expériences. Et puis peut-être plus surprenant ou moins attendu, le fait que ces sites de rencontres, on pourrait penser qu'ils favorisent le brassage social parce qu'ils permettent de faire se rencontrer des gens qui ne se croiseraient pas justement dans la vie physique. Et finalement, pas tant que ça. Non, alors effectivement, tout le monde, tous les milieux sociaux utilisent les sites de rencontres, mais on voit à l'œuvre des nouveaux codes qui se mettent en place et qui font en sorte que finalement il y a la même homogamie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de brassage quand on se rencontre en ligne. Et ces codes notamment, et on avait envie d'en parler dans l'exposition, font appel à l'écriture. On s'écrit beaucoup aujourd'hui avec des nouvelles formes d'écriture et on a eu la contribution de Morgane Hortin et du compte Instagram Amour Solitaire qui édite des textos échangés par des proches, des amoureux, mais pas que, hein, et qui montre à quel point on peut être émouvant, touchant, pertinent et plein d'humour aujourd'hui dans l'écrit. La sexualité est abordée dans l'exposition. Alors, tout ça est une construction, hein. Ça n'est pas que chimique, comme on l'a dit dans cette émission avec notre chimiste pharmacologue. Il y a beaucoup de culture dans l'amour. Oui, exactement. En fait, l'un des propos, c'est de dire que dans notre espèce, hein, nous avons effectivement des instincts sexuels, des pulsions. Mais si on ne nous apprend pas quoi en faire, on est un peu désemparé. Et donc, on invite les visiteurs à réfléchir à la reconstruction de leur sexualité. Et on raconte que, par exemple, il n'y a pas d'objet érotique universel. Que l'érotisme, c'est une étiquette qu'on va mettre sur un contexte ou un objet en fonction de sa culture ou en fonction de son vécu. Et donc, cette part construite est très importante. Marcel Hibert, l'exposition étant pluridisciplinaire en tant que chimiste pharmacologue, est-ce que vous y avez appris des choses en la visitant ? Je crois que c'est ça qui est assez formidable dans ce sujet d'étude, c'est que ça oblige à des rencontres entre disciplines extraordinairement éloignées. Donc on a eu grand plaisir au sein du conseil scientifique à se côtoyer entre sociologues, philosophe, chimiste, biologiste, et effectivement c'est de cet échange qu'on arrive à tisser des liens finalement, montrer qu'on arrive parfois à glisser quelques mécanismes moléculaires derrière des comportements sociaux ou autres. À partir du moment où chacun dans sa discipline est assez ouvert, je crois que on peut commencer à travailler ensemble et à tisser des liens qui seront extrêmement fructueux. L'exposition de l'amour est à découvrir jusqu'au 30 août prochain au Palais de la Découverte à Paris. Merci Astrid Aron et Marcel Hibert. Merci. Merci à vous. Dans un instant, Sophie Becherel et Philippe Hénarejos vont me rejoindre pour la revue d'actu de la semaine. L'amour, c'est l'oxygène. L'amour est enfant de bohème. L'amour nous élève. All you need is love. Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit conduit à la gangue de ta bouche, pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts, j'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit, droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le le jour que la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit. Je ne trouve le repos ni la paix. C'était pas plus le jour que la nuit, Alex Baupin. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Autour de la table, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je viens de la planète Oxo. Une toute petite planète qui n'est même pas sur vos cartes. Je ne sais pas si la petite planète Oxo de la soupe aux choux obtiendrait le statut de planète naine. Philippe Hénarejos, je ne vous demanderai pas de trancher la question. Vous avez déjà fort à faire avec un autre petit corps céleste qui fait débat. Oui, le 29 octobre, l'Observatoire européen austral LESO a publié un communiqué de presse annonçant la découverte de ce qui pourrait être la plus petite des planètes naines. Alors, il s'agit d'un corps céleste qui est déjà connu depuis des décennies. Il s'appelle Hygiea. Il était considéré jusque-là comme un gros astéroïde de la ceinture principale, cette région du système solaire qui est comprise entre les orbites de Mars et de Jupiter. Mais cette fois, l'objet a été photographié avec l'un des télescopes de 8,20 m du VLET, le Very Large Telescope, qui se trouve au Chili. Ce télescope est doté d'un tout nouveau système d'optique adaptative extrêmement performant. Alors, l'optique adaptative, c'est un dispositif mécanique et optique, avec beaucoup d'informatique derrière, qui permet d'éliminer le brouillage des images induit par les turbulences de l'atmosphère terrestre. Et c'est grâce à ce dispositif qu'ils ont vu la forme de cet astéroïde. C'est-à-dire que jusque-là, ce sont des points, ce sont des patatoïdes, il n'y a pas de forme. Et là, on a vu pour la première fois une image détaillée d'Hygiea, donc ce gros astéroïde. Et là, et la surprise, ce petit corps de 430 km de diamètre est presque parfaitement sphérique. Autrement dit, il entre dans la définition d'une planète naine, définition qui a été établie en 2006 par l'Union Astronomique Internationale et qui a d'ailleurs conduit à l'époque à la destitution de Pluton de son rang de planète. Alors en quoi est-ce une découverte ? Alors c'est une découverte parce que les astronomes ne pensaient pas qu'un corps aussi petit pouvait être sphérique. Ils connaissaient Hygiea, bien sûr, ils savaient que plusieurs météorites tombées sur Terre provenaient de cet astéroïde, et ils pensaient d'ailleurs que les nouvelles images du VLET révéleraient un gros cratère à sa surface, qui serait tout cabossé en fait, qui serait la source de ces météorites. Or, pas de cratère, bon alors il est peut-être de l'autre côté, on n'a qu'une face, mais au lieu d'un corps irrégulier, comme on le croyait, on a une sphère presque parfaite. Alors les astronomes ne croient d'ailleurs toujours pas qu'un si petit corps puisse avoir naturellement cette forme, donc ils ont élaboré un scénario pour l'expliquer. Alors, Hygiea aurait été percuté par un autre astéroïde assez gros. Il aurait été totalement désintégré et son matériau fondu en se réagglomérant, un peu visqueux, aurait eu cette fois cette forme sphérique. Donc, scientifiquement, c'est un cas intéressant, mais unique. Du coup, maintenant, on attend que l'UAI intègre Hygiea dans la liste des planètes naines. Et en quoi cela pourrait poser un problème ? Eh bien parce que depuis la destitution de Pluton, la plus petite planète naine était Cérès, qui est lui aussi dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Or Cérès mesure 950 km de diamètre, et là l'UAI retrouve son délicat problème des limites des définitions adoptées. Il y a évidemment une multitude de corps plus gros qu'Hygiea et plus petits que Cérès qui ne sont pourtant pas des planètes naines. Citons par exemple Vesta, dont la forme ovoïde est trop prononcée, est à l'origine de son exclusion de cette catégorie. Du coup, Hygiea fait figure d'exception. Alors, l'UAI va-t-elle simplement suivre ses propres critères et faire entrer Hygiea dans sa définition ? Où va-t-elle de nouveau légiférer pour redéfinir les limites ? La question ne manque pas de sel quand on sait que beaucoup de gens, y compris parmi les astronomes, n'ont toujours pas digéré le fait que Pluton soit une planète naine. Pas plus tard que la semaine dernière, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, certes peu légitime à la matière, affirmait haut et fort que pour lui, Pluton était bien une planète, donc affaire à suivre. En fait, il n'arrête pas de changer les boîtes de rangement pour ce système solaire qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient imaginé. Exactement. Et on va voir ce que ce corps un peu bizarre, en dehors des cases justement, va leur poser comme problème. Nous sommes à un moment d'accélération technologique, scientifique et en même temps démocratique qui pour une partie de nos populations va trop vite. Pour la première fois, nous avons une série d'innovations qui transforment tous nos secteurs avec des conséquences extrêmes sur notre organisation collective, notre marché du travail, nos représentations, notre imaginaire, qui n'est pas porté par les gouvernements, parfois pas voulu par les gouvernements, mais poussé par des acteurs du secteur privé et des innovations du secteur privé. Un extrait du discours d'Emmanuel Macron prononcé devant un parterre de 150 scientifiques du monde entier, 25 pays représentés, réunis pour le Forum global sur l'intelligence artificielle pour l'humanité, qui s'est tenu à Paris en début de semaine, du 28 au 30 octobre. Ce forum est passé inaperçu. Il a pourtant permis d'évoquer les avancées dans des nombreux domaines concernés par l'intelligence artificielle désormais. Sophie Bécherel, vous aviez envie de revenir sur ce forum. Oui, parce que le discours du président Macron était fort, vous l'avez entendu, on parle ici quand même de menaces pour nos démocraties, menaces créées par l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui serait non éthique et non responsable et dont nous n'aurions plus le contrôle et qui serait mal acceptée par les citoyens. Et dans son discours, le président de la République n'a pas hésité à faire un parallèle avec la crise des Gilets jaunes, crise dont la source est la peur et le rejet des réformes, selon lui, eh bien l'IA, elle aussi serait-elle un progrès mal accepté parce que mal compris? C'est une hypothèse que n'écarte pas le président. Il a d'ailleurs évoqué les OGM comme étant un exemple de ce progrès non accepté par les citoyens. Mais là, on est loin de la science, du coup, Sophie. Pas si l'on songe à ce que disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ce qui se joue ici. L'intelligence artificielle est-elle un bien, un mal pour un bien? Sa capacité à traiter une grande quantité de données, à les comparer, à en tirer des conclusions, permet déjà beaucoup de choses. Le ciblage commercial de produits, les débuts de la voiture autonome, la reconnaissance vocale, on réussit à parler à notre téléphone et on est compris par lui. C'est aussi l'aide au diagnostic médical pour les médecins. C'est aussi la reconnaissance faciale qui permet certes d'identifier des individus malveillants, mais qui nous catalogue aussi. Mmh. Vous avez peut-être vu que cette semaine, Pékin a décidé d'utiliser donc cette reconnaissance faciale dans le métro afin d'orienter les passagers vers telle ou telle file pour un contrôle plus ou moins approfondi de leurs billets en fonction de leur profil. Et à Nice et Marseille cette semaine, il y a également une actualité. Leur projet d'utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à deux lycées a été refusé par la CNIL, c'était une expérimentation. Donc si Emmanuel Macron a pointé du doigt deux dangers, laisser la main au privé et ou aux géants, États-Unis et Chine en tête, la question des libertés individuelles doit encore être travaillée. Et alors que compte faire la France, à part ce discours assez fort? Alors effectivement, tenir ce cap d'une IA éthique et responsable, mais permettre quand même aux chercheurs d'avancer, et notamment en santé. C'est dans ce domaine que Cédric Villani estimait que notre pays avait le plus d'atouts. D'ailleurs, l'un des quatre instituts pluridisciplinaires en intelligence artificielle basée à Sophia Antipolis et centrée sur la santé. Il y aura des entreprises, des laboratoires. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, améliorer le diagnostic. Ça se fait grâce à la comparaison de millions d'images, IRM, scanner, mammographie. Parce qu'on le sait, la machine est capable, en fonction de votre profil, d'identifier un cliché anormal. Mais est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffira pour poser un diagnostic? Il y a pas mal de publications qui fleurissent pour nous dire que finalement, l'intelligence artificielle est supérieure à l'homme pour détecter un mélanome ou un cancer du poumon. Pourtant, à Paris, des chercheurs sont venus rappeler qu'un organe, et a fortiori l'organisme humain, c'est si compliqué que l'IA n'a pas encore réussi à supplanter les médecins dans l'analyse globale d'une maladie. Et puis, il nous faut ces fichues données pour alimenter les algorithmes. Où est-ce qu'on va les trouver? Est-ce que ce sont dans les hôpitaux, les cliniques français, dans les bases de la sécurité sociale? Qui va garantir qu'elles seront anonymes, ces données? Qui va nous expliquer comment ça marche, un algorithme pour détecter une maladie rare, par exemple? Et puis, pourquoi est-ce qu'on lui ferait ou pas confiance? Comment est-ce qu'on peut être sûr que les employeurs, les assurances, les écoles n'auront pas accès à toutes ces informations privées? On le voit, le cadre éthique est posé, mais il faut maintenant le remplir. L'État, qui a prévu de financer à hauteur de 665 millions d'euros sur 5 ans la recherche publique, n'a pas encore dit précisément combien d'argent serait consacré justement à ce volet éthique, juridique et moral de l'IA. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Philippe Hénarejos, des déboires pour la foreuse de la sonde InSight sur Mars. Oui, cet engin que les scientifiques appellent la TOP accumule les soucis. Cette fois, la situation est quand même grave parce que l'instrument, qui ressemble à un long cylindre, doit s'enfoncer dans le sol de Mars avec un petit marteau à l'intérieur. Et en principe, il devait arriver jusqu'à 5 mètres de profondeur. Mais la TOP, qui avait déjà connu un problème en février quand elle avait cessé de s'enfoncer, on se demandait si elle n'était pas arrivée contre un gros caillou ou quelque chose comme ça. En fait, la NASA avait déjà retiré une espèce de derrick, un mini, qui était au-dessus pour voir un peu l'aspect. Et elle avait fini par trouver une solution en poussant un peu avec la pelle sur le bord. Il y a un bras robotisé avec une pelle au bout. Et depuis le 18 octobre, en fait, tout avait repris, les opérations de forage avaient recommencé, et on voyait la taupe s'enfoncer tranquillement. Et le 27 octobre, coup de théâtre, tout d'un coup sur l'image suivante, on la voit quasiment complètement sortie, plus de la moitié de son corps est sortie, inclinée, et donc si elle se couche sur le sol, si elle sort de son trou complètement, c'est fini, on ne parle plus de ce forage. La situation est délicate. Ah oui, il faut éviter de la coucher un peu plus avec la pelle, il faut trouver une idée pour la faire descendre dans son trou, et par exemple la pousser justement avec cette pelle est exclue parce qu'on risquerait de casser les fils d'alimentation électrique qui se trouvent sur le dessus de la taupe. Donc, pour l'instant, eh bien, les responsables de l'instrument vont d'abord réfléchir. Ils vont simuler sur Terre la situation. Ils ont une maquette qui reproduit exactement ce qui s'est passé sur Mars. Ils vont faire des tests. Et puis, ça va prendre quelques semaines. Et on va bien voir si, au final, ce forage va être réussi ou pas. Ouais, il faudra nous donner des nouvelles de cette sonde InSight. C'est fascinant, ce bricolage sur la planète Mars. En bien mauvaise posture. Et puis, Sophie, 90% des girafes mâles sont-elles vraiment gays? Vous me faites vous poser de drôles de questions. En tout cas, c'est la question qui secoue la communauté scientifique britannique après que Dawn Butler, une députée travailliste, voulant défendre l'enseignement du genre à l'école et puis la prôner la tolérance vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Donc depuis que cette députée a brandi cet argument choc, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Regardez, 90% des girafes mâles sont homosexuels. Et là, déchaînement des commentaires, pas seulement de la part des politiciens, les biologistes s'y sont mis, car non, les mâles girafes ne sont pas majoritairement gays. En effet, l'animal est connu pour des comportements affectueux entre les mâles, c'est vrai, ils se frottent, se lèchent, s'embrassent. Dawn Butler en a déduit qu'ils étaient homosexuels, mais pas du tout. Pour la directrice du Fonds pour la conservation des girafes, Stéphanie Fancy, ce sont des comportements qui visent à établir une domination dans le groupe. Pas du tout, dit Nathalie Cooper du Muséum d'Histoire Naturelle. Pour elle, il y a aussi des mamours identiques chez les femelles. Ça n'est pas une agressivité quelconque, une histoire de domination. C'est pas une question d'orientation sexuelle. On fait de l'anthropomorphisme, dit-elle. Elle nous apprend que les girafes ne forment pas de couple, que les femelles s'accouplent avec des mâles de passage qui, lorsqu'ils deviennent pères, ne s'occupent jamais de leur rejeton. Voilà, moi je pense qu'en pleine période de morosité à cause du Brexit, les Britanniques ont eu leur petite pause animalière tout à fait bienvenue. Oui, effectivement, on apprend des choses grâce à ça. Philippe Hénarejos, à découvrir dans Le Ciel et l'Espace en kiosque actuellement. Oui, un article sur le prochain passage de Mercure devant le Soleil. C'est le 11 novembre prochain, c'est visible depuis la France, en tout cas en partie. Donc nous avons un article qui vous donne tous les détails pour suivre ce phénomène. Sachez que la prochaine fois, je crois que ça sera qu'en 2032. Donc c'est quand même assez rare. Ah ça oui. Arrive quelques fois par siècle. Croisons les doigts pour que la météo soit favorable. Oui, absolument, parce qu'au mois de novembre, c'est pas gagné. Quelques nuages. Merci Sophie Becherel et Philippe Hénarejos. Après le flash de 16h, nous partirons admirer les peintures et les gravures préhistoriques des plus belles grottes ornées de France avec le préhistorien Jean-Michel Geneste. Il a été conservateur de la grotte de Lascaux et il a coordonné les recherches dans celle de Chauvet. Il va partager avec nous les émotions ressenties devant ces fresques préhistoriques et puis nous dire ce qu'elles disent des hommes et des femmes qui les ont réalisées. France Inter. Du vent dans les synapses. Ma chère, la science exige bien des sacrifices. Over the stream, touch me with the kiss, feel me on your lips, 'cause this is where I'm giving you all. C'était Evenly, Cigarettes After Sex sur France Inter. Et puis dans un instant, nous partons pour les plus belles grottes ornées de France avec le préhistorien Jean-Michel Geneste. À tout de suite.